Avec vous, agissons pour notre ville. Yannick Ledroit, Delphine Subilo, Thomas Richoux. Depuis un an, notre équipe participe aux conseils municipaux et aux réunions attenantes aux différentes commissions. Nous nous réunissons, nous concertons et surtout nous renseignons pour conduire une politique intelligente et mesurée. Les tragiques incidents nationaux qui ont fait se rassembler un grand nombre de castro-gontériens nous confortent dans cette démarche. Les élus représentent leurs électeurs et ne peuvent parler ou agir de manière légère ou inappropriée. Nous constatons que la politique locale de la majorité comme celle du gouvernement place l'argent et les grands travaux avant les personnes et leur bien-être, leur bien-vivre. L'aspect économique est capital, mais ne doit pas l'être au détriment de l'aspect humain. La situation des plus défavorisés, des jeunes et des seniors, ne semble pas être la priorité actuelle. Il est indispensable d'agir pour ceux qui les soutiennent. Nous avons été très surpris lors du dernier conseil municipal, lorsque M. Ledroit signale le manque d'éclairage de certaines parties de la ville. On lui répond qu'il faut sensibiliser les citoyens, qu'ils doivent faire attention ou qu'ils peuvent utiliser des lampes. De même, lorsque l'annonce est faite d'acquérir des vélos électriques, alors que nous n'avons aucune piste cyclable digne de ce nom. La sécurité des piétons et des cyclistes n'est donc pas importante. De même, nous devons signaler également le manque de considération à l'égard de certains employés de la mairie, que l'on change de service pour des raisons obscures. Ce climat délétère ne porte-t-il pas préjudice indirectement à tous les habitants? Heureusement, les castro-gontériens se prennent même en main grâce aux nombreuses associations locales qui, contrairement aux responsables politiques, ne parlent pas de solidarité comme d'un vague concept, mais l'appliquent à travers des actions concrètes.